بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في اليمن. على plaisir de vous présenter. On va étudier ensemble في هذه الليلة tout ce qui est en rapport avec les poils du corps. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول ربنا جل وعلا في القرآن العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فديننا الإسلام الحنيف اعتنى عناية عظيمة بأمور الطهارة والنظافة notre دين الإسلام il donne une très grande importance à الطهارة tout ce qui touche à la purification et à la propreté. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala il aime هذه الصفة الطهارة ويحب المتصفين بها عز وجل. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يموضح أن الفطرة خمس أي سي سانك شوز صافي بارتي دو الفطرة النظافة الطهارة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وفي هذه الكلمة المختصرة aujourd'hui بإذن الله عز وجل ونسأله التوفيق والسداد سنعتني بما يتعلق بشعر الجسم عموما on va étudier ensemble في هذه الليلة tout ce qui est en rapport avec les poils du corps وهذا c'est مهم جدا لأن يدي أحكام متعلقة بهذا فشاك مسلم شاك مسلمة ils doivent prendre du temps consacrer du temps faire des efforts pour apprendre tout ce qui touche à leur dîn طهارة والصلاة وقبل ذلك أمور العقيدة والتوحيد والسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنك تيا مؤمن et t'es ma'mour bi'tiba'i al-Nabi alayhi salatu wassalam. T'es un mu'min et Allah subhanahu wa ta'ala il t'a ordonné des choses, il t'a interdit des choses. Wa la yatim hadha al-ittiba' wa al-ibti'ad min mukhalafati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam la yatimu dhalik illa bit-ta'allum, bit-ta'lim. Fal-jid wal-ijtihad fi talab al-ilm. Umur al-tahara c'est muhim. أمور الصلاة مهم كذلك والشهادتين فهمها والعمل بها etc. مهم جدا خاصة في هذا الزمن زمن الفتن والمحن المسلم والمسلمة يفون دي زفوف العلم أما القيل والقال لا ينفع القيل والقال لا ينفع بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فنحن نكون سيء إخواننا الأفاضل بالجد والاجتهاد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولعل les efforts que tu fais في العلم et cet amour que tu as pour العلم لعل c'est une cause et là chacun c'est une cause عظيمة أن الله سبحانه وتعالى il te guide il te facilite il t'ouvre les portes جل وعلا قال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كما في فتاوى نور على الدرب قال يجب أن نعلم أن إزالة الشعور على ثلاثة أقسام وها هذه الفتوى الشيخ بن عثيمين المفيدة جدا سيتفصيل طيب في هذا الموضوع il nous explique رحمة الله عليه أن on doit C'est une obligation qu'on sache anna izalat al-shu'ur. Aïe, al-shu'ur c'est le pluriel de sha'ar, les poils. Al-izala c'est les enlever. Et on va voir qu'il y a plusieurs façons. T'as trois catégories. Et bi-idhnillah on va baser notre kalima sur ces trois catégories. On les cite awalan bil-jumla. Al-qismu al-awwal, c'est kama qal ma amara bihi al-shara. Premier cas, al-shar, aïe fil Qur'an, wa fil sunnah, il faut, imma, obligatoire, ou c'est recommandé, enlever ses poils. Par le rasage ou autre, comme ça y est, atima'ana. Et on peut citer comme exemple, al-ana, les parties intimes, ou al-ibtain, comme on va détailler, incha'Allah ta'ala. Ça, c'est le premier qism. Des poils que tu es obligé d'enlever, ayyuhal muslim. Ah, ou c'est recommandé. Al-Muhim, c'est Mashru'a. Ça fait partie de notre din. Al-Qismu Thani, Qismun, Naha Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ou Rasuluhu Sallallahu Alayhi wa Sallam, qu'on touche à ses poils. C'est haram. On n'a pas le droit. Comme pour les hommes, les poils de la barbe. Kadhalik, pour la femme, s'épiler les sourcils. Et on va détailler هذا بإذن الله. Donc premier qism, c'est obligatoire de les enlever. Deuxième qism, c'est interdit de les toucher. Troisième qism, troisième catégorie, maskutun an. On n'a pas de dalil qu'il faut les laisser ou qu'il faut enlever. Et ça بإذن الله عز وجل, on clôturera هذه الكلمة avec ce qism inshallah ta'ala. نبدأ بالقسم الأول. قال القسم الأول ما أمر به الشرع وذلك كشرع العانة والإبطين والشارب العانة لبارتي انتيم الإبطين لزسل الشارب معروف لمستش بور ليزام قال فإن من السنة حلق العانة ونتف الإبطين وحف الشارب أو قصه وهذا من الفطرة كما نسيتي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال التي فطر الله الخلق عليها وقد وقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يترك فوق الأربعين يوما donc ces exemples ce qism qu'il a cité avec ces exemples tu dois pas dépasser أيها المسلم cette limite de 40 jours avant 40 jours tu dois te raser ses poils. Al-Irtay, comme on va détailler, ou Al-Ana et Al-Sharib. Et on verra s'il y a d'autres cas. Qala, wa yudhaf ila dhalik al-adhafir, ou al-adhfar, aïe les ongles. Et nous, on ne va pas détailler cette mas'ala. Lianna al-muhadra, c'est un sujet précis. Qala, fa inna min as-sunna qassaha, ou taqlimaha, wa an la tutrak fauq al-arba'ina yawma. تنبيه شيخ ابن عثيمين لمهم لأن في هذا الزمن انتشر خاصة عند النساء هذا الشيء أي laisser pousser les ongles et ça c'est pas من عادات المسلمين والمسلمات بل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بين أنه سحرام سنتشبه بالكافرات كذلك سنتشبه بالحيوانات والمسلم لا يجوز له أن يتشبه بالكافر وبالحيوانات Donc, se laisser pousser les ongles, comme tafal ba'd an-nisa, Ça, c'est une mukhalaf les sunnat al-Nabi alayhi salatu wasalam. Famine al-fitra, femme ou homme, ils doivent se couper les ongles. Et la limite, c'est 40 jours. Mais fait al-haqiqa, c'est pas min al-zina. Ça fait pas partie de la beauté de la femme qu'elle se laisse pousser les ongles. Abadan. Abadan. Al-muslim, il regarde al-a'mal. Si c'est une mukhalaf ali al-sunnah, Abadan, ça fait partie de la beauté. Abadan. قلبه يكره ذلك فانتبه أيتها المسلمة والدليل على هذا أي أن cette catégorie qu'il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, il faut se raser ses poils. تقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. Et il a cité parmi ces choses Al-istihdad, et c'est halqul ana, comme ça y a-t-il, les parties intimes, wa qassu sharib, les moustaches, wa natfu al-ibt, les aisselles. Wa fi sahih muslim, an Anas radiyallahu anhu qal, wa qatalana, al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, fi qassu sharib, wa qalmi al-zafr, wa natfu al-ibt, wa halqil ana, an la natruk dhalik akthar min 40 layla. Ça, ça montre que cette limite, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a cité. Pas plus de 40 nuits, de 40 jours. Nabda bil-istihdad. On commence par l'istihdad. An Aisha radiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ashrun min al-fitra. C'est un autre hadith qui ressemble à celui de Abu Huraira, fil sahihayn. Hadith Aisha, il est fait muslim. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة إلى ست حلق العانة. في الحقيقة سو حديث il explique حديث أبي هريرة il explique لفظة الاستحداد. المراد من هذه الكلمة سحلق العانة أي les parties intimes. المسلم il doit pas dépasser 40 jours أي les laisser. Avant 40 jours il doit raser هذا المكان. قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه كما في فتاوى نور على الدرب قال وكذلك العانة تحلق بالموسى هذا سأفضل السنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم سالحلق بالموسى أي سكون أبل نحن لغزوة قال فإن لم يتيسر حلقها بالموسى سي المسلم يبقى pour une raison quelconque. قال أزالها بما تيسر من الأدوية. نعم. S'il peut pas bi الموسى avec le rasoir, أهم شيء يبعد هذا هذه الشعور. أهم شيء. لكن الأفضل سالحلق بالموس. قال وحلقها بالموسى أفضل إذا تيسر وهو الاستحداد. أي que le prophète عليه الصلاة والسلام il a cité في حديث أبي هريرة قال فإن كان ذلك نعم أي يكفي قال أو لم يتيسر للرجل أو المرأة فإنها تزال بالأدوية المعروفة التي يعتادها الناس نعم que ça soit une crème que ça soit avec les nouvelles choses qu'ils ont inventées الآن tondeuse ou autre أهم شيء تبعد هذه الشعور من هذا المكان والأفضل كما جاء في كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيل موسى فهذا أولا الاستحداد ثم ما يتعلق بالإبطين الأفضل في الإبطين أي لزسل سي النتف لأن انتبهوا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس. Et il a cité l'istihdad. On a vu un hadith. Aisha, il explique هذه الكلمة, c'est الحلق. Se raser بالموسى. Avec un rasoir. هذا أفضل. أما في الإبط, قال صلى الله عليه وسلم, نتف الإبط. نتف. والنتف معروف. النتف معروف. أي c'est les arrachés. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع, أما نتف الإبط فسنة بالاتفاق. اتفاق العلماء. أن نتف الإبط سنة نعم الحديث واضح قال والأفضل فيه النتف نتف لمن قوي عليه الأفضل سنتف et ne pas se les raser. Léana, ça va repousser akthar. فالأفضل c'est le netf. لكن كما قال الإمام النووي لمن قوي عليه لأنه ربما il y a une douleur خاصة avec le temps. ربما il y a une douleur. أما au début quand la personne elle est jeune et les premières fois ربما الشعر il est pas كثير فلو ينتف ربما يرتاح أكثر. أما après des années de rasage tout le monde il veut appliquer هذا فسيتعب. وأهم شيء كما تقدم في الاستحداد أهم شيء سيبعاد هذا الشعر. C'est ça l'essentiel. لكن الأفضل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم سنتف. ويحصل كلام الإمام النووي هذا قال ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة. نعم que ça soit avec une crème pour éloigner ses poils أو بالحلق بالموسى avec un rasoir ou autre. C'est ça المهم et c'est ça المراد. لكن أفضل من هذا سنتف. قال وحكي عن يونس ابن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي رحمه الله. هذا الإمام يونس ابن عبد الأعلى إلي رنتخيش الإمام الشافعي رحمه الله قال يحلق إبطه. الإمام الشافعي إلي تنتخين دو سغازي لزيسل. فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجه لا أقوى على الوجه. هذا كلام الإمام الشافعي. سسمونت حرص السلف على اتباع السنة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه لدي يونس بن عبد الأعلى جسيك السنة سنتف لكن لا أقوى على الوجه أي صافي مال صافي مال وهو كما قال لا أقوى على الوجه. فأبس là bas c'est pas une obligation netf lakin man qawiya ala dhalik fa huwa afdal. Thalithan qass al sharib. Na'am intahayna min al istihdad wa intahayna al an min natf al ibt. Qass al sharib qala wa huwa al sha'r al nabit ala al shafat al ulya. C'est ça al sharib, c'est les poils qui poussent au-dessus de la lèvre. Au-dessus de la lèvre, ay, la lèvre du dessus. Ce qu'on appelle, nous, les moustaches. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وقص الشارب واجب وتأمل قوله في الحديث صلى الله عليه وسلم قال قص الشارب. الألفاظ sont مهمه في الأحاديث يا جماعة. Vous avez remarqué que dans ce hadith, on a l'istihdad, c'est le halq. On a le natf pour l'ibt et on a le qas pour le sharib. Ça, c'est مهم. Comprendre كلام النبي عليه الصلاة والسلام بلغة العرب c'est مهم جدا لأن ça a une importance, ça a une importance الآن pour appliquer. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a pas dit حلق الشارب, لا il a dit قص. Et on va voir la différence. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه وقص الشارب واجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب. Et ça c'est une règle في ديننا. أن la base dans les ordres du prophète صلى الله عليه وسلم أو les ordres d'Allah عز وجل في القرآن, la base c'est que c'est obligatoire. Si t'as un ordre, la base c'est que c'est obligatoire. Sauf si un autre hadith il montre que c'est pas obligatoire. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن on va citer des hadiths أنه أمر بذلك. Il a ordonné de se tailler la moustache عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ عبد العزيز كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم tout ce qui vous donne le rasoul prenez-le. Ça montre que c'est une obligation si c'est un ordre. وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم et si et il nous interdit quelque chose, enfin, on n'approche pas. قال أو انتهى كلام الشيخ عبد العزيز أما الأدلة على الوجوب فكثيرة. Les preuves qui montrent l'obligation de se tailler les moustaches فكثيرة. كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. Ça, ça nous montre que c'est une مخالفة للمشركين. Aïe, se laisser pousser la barbe et se tailler les moustaches. Hada dalil montre l'obligation. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam juzz ash-shawarib wa arkhu al-liha Khaliful Majus. Donc c'est une mukhalafa lil mushrikin et c'est une mukhalafa li al Majus. وجاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذه أو من لم يأخذ من شاربه فليس منا أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. Donc ces adillas ils montrent أن الأخذ من الشارب نعم من هذا الشعر سواجب على الرجال. بقي مسألة, est-ce que Al-Afdal, c'est At-Takhfif Amil-Halq. Est-ce que c'est meilleur, c'est mieux de se raser complètement au rasoir ou de Khaffaf Fakat Qas-Sharib, et ne pas se raser complètement là. Lakin Khaffaf, tu diminues ses poils. Qala l'imam ibn Baz rahmatullah alayh, wa ihfa'uhu afdal lakin la yakunu halqan. Al-Ihfa, c'est al-mubalagha fi at-takhfif. C'est ça l'ihfa fi al-lughat al-arab. C'est que tu te tailles beaucoup, lakin tu laisses un minimum de poils. Enfin, c'est pas un rasage à blanc et c'est pas tu touches à peine là. Qala Cheikh Abdel Aziz wa ihfa'uhu afdal lakin la yakunu halqan. Naam, li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré qass ash-sharib. Il a pas dit halq ash-sharib. Qala rahimahullah bal yakun lahu asas wa baqiyya. نعم تلس ان بو تصل افضل قال حتى يعرف انه شارب نعم حتى يا اون تراس encore une moustache qui apparaît لكن elle est خفيفه وقوله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب قال الشيخ ابن باز احفوا بهمزه قط والاحفاء هو المبالغه في القص والجز قال ويفسر بقوله جز الشوارب ليس معناها الحلق وإنما معناه المبالغة فهذا ساقول واعلم أن المسألة فيها خلاف واسع بين أهل العلم لكن قول الشيخ عبد العزيز وقول غيره من الأئمة سالصواب. Donc الأفضل الصحيح c'est de ne pas se raser à blanc la moustache لكن de خفف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى لا يقع في شرابه إذا شرب بل يكون خفيفا جدا ما يتأذى به في شربه ولا في كلامه. إساسا نموت نعمة هذا الدين حتى cette chose pour بعض الناس quelque chose de minime النبي صلى الله عليه وسلم nous l'a démontré et c'est من النظافة. ترى بعض الناس لا يعتنون بمثل هذه السنن الطيبة. Tu le trouves dès qu'il mange يتأدى ويؤذي غيره كذلك لأنه المنظر il est pas طيب et ça fait pas partie de la propreté. أو dès qu'il boit s'il taille pas sa moustache. ومن الأمور العجيبة أن من المسلمين ونسأل الله سبحانه وتعالى يهدي الجميع أنهم خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فإتاي لغبا أو إغاز إدلس الشارب. Et ça c'est le résultat de ne pas s'efforcer à suivre An-Nabi alayhi salatu wasalam. An-Nabi sallallahu alayhi wasalam amarana bi mukhalafati al-yahud wal-majus wal-mushrikin umuman fi hadha wa fi ghayri hadha. Walillahi alhamd, on avait fait une kalima fi hadha ma yata'allaq bi al-lihya la-barbe et walillahi alhamd ala manshura. Qala Sheikh Abdul Aziz as-sunnah qassu ash-sharib la halquhu wa law halaqahu fala shay alayhi. Donc as-sunnah c'est de diminuer, de tailler, pas de la raser. Et Cheikh Abdel Aziz, il montre que s'il se rase, fala shay alayh. C'est pas haram, lakin, as-sunna wal-afdal, c'est de se tailler la moustache. Qala Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, yukrah, halq al-sharib, karahiyya al-tanzih. Ma huwa haram, walakin karahiyya al-tanzih. Naam, c'est makrouh. C'est makro. Et s'il le fait, il n'a pas de péché, il n'est pas athim. Lakin s'il le délaisse, s'il délaisse le rasage de la moustache, c'est ahsan. Donc, al-afdal, nastafid min hadha, al-afdal, c'est de se tailler la moustache. Qala, walakin karahiyya tanzih. Et c'est pas haram, lakin c'est makro, c'est détestable. Al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, qala zujju al-shawarib. Et zujju, c'est bimana qassu al-shawarib. Et se taille. Wa ahfu al-shawarib. Et se taille. Pas se raser. Lakin celui qui le fait, فلا شيء عليه لكن الأفضل اتباع السنة. والإمام الألباني رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين كذلك يرون أن السنة هو عدم الحلق، والله تعالى أعلم. نعم الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني كذلك ils ont le même avis que الشيخ الفوزان الشيخ عبد العزيز بن باز. مسألة on cite une مسألة هنا ترك هذه الخصال أكثر من 40 يوما. الآن on a cité ces poils que le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a ordonné, imma c'est obligatoire, imma c'est mustahab, de raser. On a cité al-ana, halqul ana, on a cité natf ul-ibtayn, et on a cité qassu al-shari. Et on a cité hadith Anas, radiyallahu anhu, annahu, il nous a démontré à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, muqqata lana, dans toutes ces choses, qu'on ne dépasse pas 40 layla. Al-an, la question qui se pose, si un musulman parmi les musulmans, il dépasse 40 nuits. فما الحكم؟ est-ce que c'est haram ام لا؟ ذهب الجمهور la majorité des savants انه مكروه كراهه شديده c'est détestable c'est pas haram لكن الكراهه لشديده وذهب الحنفيه وهو ترجيح الامام الشوكاني انه حرام بعض العلماء منهم علماء الاحناف كذلك الامام الشوكاني وغيرهم بابوخ كلام شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنهم ils ont démontré que c'était حرام de dépasser cette limite. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر فلا يترك الظفر ولا الشارب ولا العانة ولا الإبط أكثر من 40 ليلة. Ça démontre que Cheikh Abdel Aziz, il est plus d'avis que le délaisser c'est haram. لماذا لأنه قال الواجب. Et délaisser le wajib, tu tombes dans l'ithm, tu tombes dans le haram. Fait le wajib, c'est de respecter cette limite. خاصةً celui qui n'a pas d'udr. ربما قد يحصل عذر أو نسيان أو غفلة. هذا الإنسان quand il se rappelle, il fait ces choses, il se rattrape. لكن كما يفعل الكفار قاتلهم الله ils ont aucune nadafa fi hadha wa fi ghayri hadha fala yajuz al muslim iswa comme c'est pour ton bien c'est pour le bien des autres et كذلك ماجور نحن on conseille nos frères en la yaghfal inma al a'mal bin niyyat si tu as une bonne niya et tu fais ça parce que tu connais قول الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين et toi tu fais cette chose pour que tu rentres dans ce verset. Et tu fais partie de ce qu'Allah il aime. كذلك, tu suis le prophète, alayhi salatu wassalam, فَبِإِذْنِ اللَّهِ t'es ma'djour. Tu fais ces choses, et t'es récompensé. Et tu trouveras ces hasanats, يوم القيامة. نسألو الله سبحانه وتعالى من فضله. وَمِنَ الْمَشْرُوعَ كَذَلِكَ Et on termine ce qisme بِهَذَا حَلْقُ الشَّعْرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَهَذَا وَاللَّهِ الْحَمْدُ On l'a détaillé في دروس qu'on avait vu في الحج والعمرة. قال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين et la troisième fois il a dit والمقصرين. فهذا c'est مشروع et ça c'est un des rites du حج. أن celui qui finit le حج والعمرة il sera assez أحسن et s'il se rase pas fa il se raccourcit les cheveux. كذلك c'est مشروع في مسألة نعم المولود celui qui a un enfant les premiers jours, ma'rouf, al-aqiqa, et kadhalik, il lui rase les cheveux, et cette mas'ala, on l'a détaillé kadhalik, les deux doros qu'on a fait, fi ahkam al-mawlout. Fahada ma yata'allak, bi hadha al-qism. Ma amara allahu bihi, ou rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, min halq al-ana, wa al-ibt, wa qassu al-sharib, et kadhalik pour al-hajj, et كذلك pour al-mawlud. Al-qism al-thani, deuxième partie, deuxième catégorie, قال الشيخ ابن عثيمين شعر نهى الشارع عن ازالته او امر بما ينافي الازاله. نعم. امر بازالته اي او نهى اقصد الشرع اي في القران او في السنه تنهي عن ازالته. T'as pas le droit de toucher ces poils. او امر بما ينافي الازاله او امر Allah nous a ordonné de laisser pousser. Donc, tu ne peux pas enlever. مثلا, la barbe. قال وذلك كشعر اللحية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وقال صلى الله عليه وسلم خالف المجوس خالف المشركين. Et on a vu les deux hadiths dans la catégorie précédente, hadith Ibn Omar et des autres hadiths fihada. On avait détaillé cette mas'ala wa lillahi alhamd dans la muhadra qu'on avait fait sur là-bas. قال وهذا يقتضي أن يكون حلق اللحية حراما. نعم نعم. Et on avait détaillé هذا wa lillahi alhamd. مسألة حلق العنفقة. قال العنفقة هي ما بين الشفة الشفة السفلى والذقن. الآن نحن on sait que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont interdit de se toucher, se raser ou diminuer certains poils. الآن يلمس على العنفقة. العنفقة c'est ces poils qui poussent sur le visage de l'homme en dessous de la lèvre inférieure, au-dessus du menton. Est-ce que ça fait partie de la barbe ام لا؟ أما la barbe c'est واضح, t'as pas le droit pour un homme. الآن العنفقة. العنفقة on répète ما بين الشفة السفلى والذقن. Entre ton menton et ta lèvre inférieure, l'homme en général, il y a des poils qui poussent في هذا المكان. اختلف أهل العلم في جواز أخذ الشعر العنفقة. العلماء ils ont divergé في هذا. Est-ce que ça fait partie de la barbe ام لا؟ Ceux qui ont dit ça fait partie de la barbe, ils ont conclu que t'as pas le droit de toucher. Les Nabi sallam nous a interdit de se raser ou de diminuer de notre barbe. Ceux qui disent que ça ne fait pas partie de la barbe, enfin pour eux, ça rentrera dans le troisième qis. Al-maskoutan. Avec des poils, on n'a aucune interdiction de les toucher ou, de, ou une obligation de les laisser pousser. Fil kitab ou fil sunnah. On verra qu'on aura un mouqif. Qala, Cheikh Abdel Aziz bin Baz, rahmatullah alayhi, qala al-anfaqah. لا يجوز حلقها فهي من اللحية. الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه il est d'avis أن العنفقة elle fait partie de اللحية. Et c'est ça صحيح. لأنهم يعرفون اللحية c'est les poils qu'il y a sur le visage. لكن la limite c'est de ton oreille droite à ton oreille gauche et le menton. C'est ça la limite. Cette surface, de ton oreille droite à ton oreille gauche, jusqu'au menton. Et là, chaque que l'anfaqa, elle est dans cette surface. Alladhi yadhhar, c'est que ça fait partie de la barbe. Fala yajuz halquha. Fala yajuz. Sauf si, bien sûr, on ne citera pas à chaque fois, lakin, si ça fait du mal, il y a une daroura de certains poils que, à la base, tu n'as pas le droit de toucher, lakin, ça provoque un mal, fala shaka anna ad-darura ala hukmuha. Wa hadith Ka'b ibn Ujra fi al-Hajj, il est ma'ruf annahu il a eu des problèmes à ses cheveux, des poux, radiyallahu ta'ala anhu, et en état d'ihram, t'as pas le droit de te raser la tête. Fan-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, il lui a autorisé de se raser. Ça montre anna fi ad-darura, le hukm il change. Ad-darura ala son hukm. Lakin on répétera pas hada à chaque fois. Nahnu on reste sur al-asl. فالعنفقة لا يجوز حلقها. C'est ça الصحيح. مسألة حلق شعر الحلق. Toujours par rapport à la barbe, les cheveux ou les poils qui poussent sur le cou de l'homme. On répète أن la barbe, la limite c'est de l'oreille droite à l'oreille gauche jusqu'au menton. C'est ça la barbe. فعلى هذا les poils qui poussent sur le cou, ça ne fait pas partie de la barbe. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أما ما يتعلق بالرقبة فلا بأس. أي les poils qui poussent sur le cou, il n'y a pas de mal à les toucher. قال الرقبة ليست من اللحية. اللحية ما نبت على الذقن والخدين. نعم اللحية c'est ce qui pousse sur les joues et sur le menton. قال أما الشعر الذي على الحلق فليس من اللحية. نعم. لكن نحن نقول أن celui qui n'a pas beaucoup de poils sur son cou, الأفضل il touche pas. لأنه après ça repousse et ربما تتعب. فهذا. أما celui qui le fait فلا بس لا شيء عليه. Une autre catégorie de poils dont Nabi صلى الله عليه وسلم nous a interdit de toucher. الآن ça va être surtout en lié à la femme, c'est un noms. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات الحديث اللي في الصحيحين الله سبحانه وتعالى يمضي هذا الصنف من النساء في الحقيقة les hommes aussi le font c'est le même حكم لكن النبي صلى الله عليه وسلم il a cité Allah pour les femmes, c'est les femmes qui font hada en général. An-namisat wal-mutanammisat. Qala l'imam an-Nawawi rahmatullah alayh fi sharh sahih Muslim, amma an-namisa bis-sad al-muhmala fa hiya allati tuzil ash-sha'r min al-wajh. C'est la femme qui s'épile les poils de son visage. Li-anna la femme al-asl c'est qu'elle a pas de barbe, elle a pas de moustache. La femme al-asl c'est qu'elle a pas de poils sur le visage. Donc il va rester en général, les sourcils. هذا لا يجوز. C'est haram, حرمة شديدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله. Elle est ملعونة. Celle qui fait هذا. Et في الحقيقة, tout ça c'est من الشيطان. والله ثم والله que c'est pas من الجمال. أبدا. المعصية c'est pas من الجمال. بعض النسوان, ربما الشيطان, il la pousse à هذا et elle pense que c'est pour s'embellir. Ah, لا. لا. والله لا بوتي سفطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أما pour quelques poils tu risques هذا الوعيد الشديد أي اللعنة من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الإنسان لا بد أن يعقل il se fait pas du mal lui-même avec ses propres mains قال الإمام النووي وهذا الفعل محرم c'est interdit بل سمن الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله tous les hadiths les nusus qui est لعن c'est tous ces péchés ou le châtiment c'est لعن ça fait partie des كبائر كما هو معلوم قالوا هذا الفعل محرم إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شراب نعم أيدي مستاش قال فلا تحرم إزالتها أو إزالتها هي نعم أما une femme si elle est éprouvée des poils ils poussent et ça lui fait une moustache ou une barbe في هذا المكان ففي هذا الحال يجوز qu'elle enlève ses poils لماذا لأنه فيه تشويه لها إسعيب et هي أصلا خلقتها سبع على هذا ففي هذا الحال يجوز قال شيخ مقبل رحمة الله عليه أما الجواز فيجوز نعم سيبرمي قال لكن إذا وجد علاج يزيله مرة واحدة فذاك et ça c'est un كلام جميل طيب الشيخ مقبل montre أن elle peut bien sûr s'épiler enlever ce poil ou ces poils لكن أفضل من ذلك c'est si un علاج si un remède une chose qui fait partir ces poils pour toujours حتى à chaque fois elle n'a pas besoin de s'épiler ou d'enlever ce poil ربما يكثر et تتعب هذه المرأة. Ces opérations qui font au laser ou autre, si ça provoque pas un mal plus grand, si ça provoque pas un mal pour cette femme, il y a pas un darar, il y a pas une mukhalafa shar'iyya, fa inshaAllah c'est afdal. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كما في اللقاء الشهري قال السائل انتشر بين الفتيات والطالبات في المدارس ظاهرة نمص الحاجب. Et صحيح ça s'est propagé جدا للأسف. Et c'est ça les méfaits de suivre al-kuffar a'da'ullah. كثير من المسلمات الآن في بعض الأماكن ربما نادر أخت elle se touche pas les sourcils. مع أن الوعيد اللي واضح لعن الله النامصة والمتنمصة. قال وهي تزداد يوميا. Et ça c'est في زمن شيخ ابن عثيمين تعلمون شيخ ابن عثيمين il est mort il y a 15 ans رحمة الله عليه ou 14 ans, et cette fatwa, elle est bien avant sa mort. Donc ça fait des années. مَا بَلُكُ الْآنِ الْآنِ الْمُصِيبَ الْآنِ أَكْبَرْ حَتَّى بَعْدَ الرِّجَالِ حَتَّى بَعْدَ الرِّجَالِ يَفْعَلُونَ هَذَا وَنَسْأَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْعَافِيَةِ قال السائل فما توجيهك يا فضيلة الوالد فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لا شك أن هذا الذي ذكر في السؤال إن كان حقا لا شك نحن الآن نلفو أنه انتشر بقوة أنه قد انتشر في النساء نتف الحواجب فالمسألة خطيرة صحيح خطيرة خطيرة على هذه المرأة وخطيرة على المجتمع لأن ست معصية ست كبيرة si elle se propage ça fait du mal au bilad et au ibad قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ونتف الحواجب من النمص لا شك في هذا أن نتف الحواجب من النمص حتى si le mari il demande à sa femme de le faire c'est haram لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتبا لو تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام même si c'est pour suivre un parent ou un mari ou un proche فلو أمرك زوجك أيتها الأخت بهذا فلا تطيعيها أبدا أبدا لا سوغ الأوبي pas son mari في هذا بل le conseil بتقوى الله جل وعلا et lui لا بد أن يتقي الله il n'a pas le droit de demander هذا الشيء الحرام et c'est pas ça la beauté on le répète أبدا Ça, c'est une source de problème. Ça, c'est une source de fitan. قال, rahmatullah alayhi, قال, فهل طرد المرأة أن تكون ملعونة مطرودة عن رحمة الله والعياذ بالله. تأملي هذا. Ça, c'est مهم là. Pour un poil, deux poils ou trois poils, tu risques هذا. اللعن, c'est الطرد من رحمة الله. Al-la'n, quand quelqu'un il est maudit par Allah, c'est Allah il l'éloigne de sa miséricorde. Tout ça pourquoi? Na'oudou billah. قال لا أحد يرضى بهذا فيحرم على المرأة وعلى من نمصها هذا الفعل. تأملوا الحديث. La'n, النامصة والمتنمصة, les deux. Celle qui se fait enlever et celle qui lui enlève. Ça montre la gravité d'aller dans tous ces coiffeurs al-an qui se sont propagés pour femmes. Et ils appliquent هذا الشيء ليل ونهار. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, لعن هذا الصنف. بل هو من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام. نعم. Ça c'est من كبائر الذنوب. Et تعلمون أن كبائر الذنوب لابد من التوبة. أما الصلاة والصيام الحسنات, elles effacent pas الكبائر. لابد من التوبة. قال وعلى وعلينا مسؤول وعلينا المسؤولية فليتفقد أهله من بنات وزوجات وأخوات وربما أمهات أيضا نعم يشكل نويل المسؤولية un conseil celui qui a une sœur qui fait هذا الشيء ينصحها celui que sa femme elle fait هذا الشيء ينصحها أو sa mère أو ceux qui peut conseiller هذا c'est مهم لأن ربما بعضهن خاصة celles qui sont entrées fil istiqama il y a peu de temps ربما ما تعرف هذه الأحكام أو ربما لا با mesuré la gravité de ce ذنب فالنصيحة فيها خير كذلك من الأمور المحرمة liée avec les cheveux القزع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن القزع النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit cette chose. الراوي celui qui rapporte le hadith قال قلت لنافع أي celui qui rapporte le hadith عن ابن عمر نافع وما القزع أي c'est quoi القزع قال يحلق بعض الرأس الصبي ويترك بعض c'est ça القزع et ça c'est عمت به البلوى في هذه الأيام أي toutes ces coupes de cheveux que tu vois الآن Et ils se rasent une partie ou ils se coupent une partie et ils délaissent l'autre. Et ils prétendent que c'est la mode, et ils prétendent que c'est la beauté. Na'oudou billah min al-inhiraf. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an hadha al-hadith il est fi sahihain. Ce qu'on a cité, nous, c'est l'afd muslim. Et hadha, kama qala al-Sheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullah alayhi, kama bi fatawa, qala, amma ma yakhtassu bil-sha'r, faqad kana hadyu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sha'r ra'sihi, تركه كله أو أخذه كله هكذا المسلمون يتوسّف نبي الله صلى الله عليه وسلم نحن نطق شهادة qu'on dit qu'on aime tant qu'on défend cette appartenance à l'islam ce din c'est pas مجرد une étiquette أبدا on doit le suivre لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة toutes ces couples qui font toutes ces modes c'est من أعداء الله Et wallah, c'est un harb ala al muslimin, khassatan ala al shabab, khassatan les jeunes, garçons ou filles. Wa na'saf asafan shadidan annahum al kuffar yuharibuna al islam layl nahar wa yuharibuna al sunna wa ahl al sunna layl nahar khassatan fi hadhihi al ayyam. Et on voit aucun d'eux essayer de ressembler à notre prophète ou aux musulmans. Ils nous harbent comme ils peuvent. Et ils nous détestent. Et tu trouves, nous, certains de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, de nos proches, yusari' fi at-tashabbuh bi ha'oula. Et ça, en fait, ça rend triste. Jiddan. Si t'aimes ton prophète, alayhi salatu salam, si t'aimes Allah azza wa jal, fais des efforts dans le suivi du prophète. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه أما ما يختص بالشعر فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعر رأسه تركه كله أو أخذه كله ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم إما il laissait pousser ses cheveux عليه الصلاة والسلام إما il se coupait les cheveux et toute la tête, jamais il prenait une partie, il laissait une partie. أما قال أما ما يفعله بعض المسلمين من حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه c'est le شيخ de الشيخ عبد العزيز بن باز. Il est mort il y a des années رحمه الله. فلو رأى ما حصل اليوم فالله المستعان. أما si le but de هذا القزع est de prendre une partie des cheveux et de laisser l'autre, c'est poursuivre la mode pour ressembler au kuffar, etc. La chaque annahu c'est haram. Qala sallallahu alayhi wa sallam la tattabi'unna sanan man kana qablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Fa nasiha nasiha. Fais attention à ton enfant, akhil karim. Fais attention à ton entourage. Montre l'importance d'étudier l'aqida. Tous ces problèmes qu'on voit, ces mukhalafat, le problème il vient de plus loin. L'aqida elle serait connue, propagée, elle serait ancrée dans les cœurs. Hatta al-muslimun ils aiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mahabba al-haqiqiyya wa yu'azzimuna al-Qur'an wa al-Sunnah. Tu trouverais هذا المسلم, il ne peut pas délaisser هذا. D'où elle vient l'âne, cette faiblesse? Anahu, il ne suit plus son prophète sallam et il suit adou min a'da illa. Une personne qui lui veut aucun bien, il le suit. Huwa. Tout ça, ça vient, il y a un khalal fil mu'taqad. Al-inaya, al-inaya bi al-aqida, aqida al-salaf. Une autre mas'ala, hukm, qas, sha'r al-mar'a. Al-an, on a une autre mas'ala, est-ce que la femme, elle peut se couper les cheveux? قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله إذا كان قصر الشعر إلى درجة تكون بها مشابهة للرجل فهذا حرام. أما si c'est une coupe, elle veut se couper les cheveux, faire une coupe qui est خاصة pour un رجال, فهذا c'est حرام عليها. Elle n'a pas le droit de se couper les cheveux comme un homme. Elle n'a plus les cheveux longs. فهذا c'est حرام على المرأة. قال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم il a maudit les femmes qui ressemblent aux hommes. هذا لا يجوز. Ça c'est haram. وكذلك لو كان قصه على صفة أو على صفة مشابهة لنساء الكفار فإنه حرام. كذلك toutes ces modes الآن qui sont خاصة بالكفار الكافرات et la femme elle se coupe لأنها veut ressembler à هؤلاء. هذا كذلك c'est haram. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. Donc ces deux cas c'est haram. بقي الآن elle se coupe les cheveux, لكن elle a toujours les cheveux longs. C'est pas une ressemblance aux hommes et c'est pas une ressemblance aux kafirah. قال أما إذا كان على غير هذين الوجهين فإن المشهور من مذهب الحنابلة أن هذا مكروه. الحنابلة pour eux, c'est pas interdit, لكن c'est détestable. L'afdal, c'est qu'elle touche pas à ses cheveux. وهذا القول وإن كان ليس له دليل بين فإن الأخذ به جيد. Cheikh Ibn Uthaymeen, il te montre, أن هذا القول, il n'y a pas de دليل عليه. Ça montre un ahou yajouz. Yajouz del mar'a. Elle coupe ses cheveux, elle diminue un peu. Lakin, Cheikh Ibn Taymiyyah yaqul anna hadha al-qawl jayyid pour fermer les portes. Robama, un jour elle se coupe un peu, tomma encore un peu, tomma robama, elle rentre dans des choses qui sont muharram. Et sad hadhihi al-abwab, c'est muhim 'inda ahli al-'ilm. Qala li alla tatadarraj al-mar'a min al-mubah lil-mamnu' wa min al-makruh ila al-haram. Ça c'est une faïda. C'est une faïda. Un musulman, un musulman, d'aiman, il ferme les portes du char. Et fait le haqiqa, hada al-sha'r al-tawil, c'est une zina fil mar'a. Fait celle qui a aucune utilité de les toucher, fait le haqiqa, l'avdol, c'est de délaisser. Et si elle touche, fala shi'a alayha. C'est pas haram, abadan. Qala al-imam al-albani, rahmatullah alayhi, يجوز قصه بشرط واحد وهو أن لا تقصد التشبه بالكافرات أو الفاسقات من المسلمات. الشيخ الألباني démontre أنه c'est permis. Une condition c'est que c'est pas cette coupe c'est pas pour ressembler aux كافرات. Et حتى الفاسقات من المسلمات. لا. Si c'est pour ressembler à هؤلاء فلا. كذلك شيخ ابن تيمية l'avait rajouté un autre شرط ne pas ressembler aux hommes. مسألة أخرى حكم نتف الشيب les poils blancs. بعض الناس que ça soit من الرجال ou من النساء si un poil blanc il pousse il ressent une envie de enlever ce poil. هذا c'est pas طيب. إنك ميت وإنهم ميتون. C'est pas un عيب هذا. كذلك هذا ça vient من أفكار الغرب أن les poils blancs ça les dérange. أبدا. بل شيخ مقبل رحمة الله عليه quand les premiers poils blancs ils ont commencé à pousser sur sa barbe, rahmatullah alayh, ça lui a fait un déclic. Hakada as-salihun, hakada al-ulama, hakada man waffaqahu Allah ta'ala. Un déclic, annahu rahimahullah, il a tenu sa barbe et il a dit ya muqbil, madha qaddamta lil islam. Un déclic pour lui. Et il sait que il a atteint un certain âge là. Et il sait qu'il est plus proche de la mort là, de jour en jour ça approche. Il s'est rappelé, ya muqbil, qu'est-ce que t'as avancé pour l'islam, qu'est-ce que t'as fait pour l'islam, rahmatullah alayh. Avec cette niya et avec cette remise en question, tu trouves haoula al-ulama, ils ont atteint le niveau que tu connais là. Annahum c'est des maradi' lil umma. Amma un poil blanc il touche et tu te sens l'obligé, tu sens l'envie de l'enlever ou une teinture ou là, il a ce qui nous a démontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد, ça c'est من السنة. لكن النتف ou بعضهم il le teint avec la même couleur que sa barbe, مثلاً en noir, هذا لا يجوز. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه كما في نور على الدرب نتف الشيء إذا كان في الوجه فإنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. قال العلماء والنمص هو نتف شعر الوجه. بعض العلماء يديز أن النمص سي لي سورسيل. بعض العلماء يديز أن النمص سي لو فيزاج. Ça pas le droit de t'épiler les poils du visage. Enlever ce poil blanc si c'est sur le visage, ça rentre في هذا الحديث. لعن الله النامص والمتنمص. Ça englobe الرجال والنساء كما تقدم. قال أما من غير الوجه كالشيب كشيب الرأس فقد كرهه أهل العلم. كذلك on précise نحن si ça si ce poil blanc il est sur la barbe, t'as pas le droit de te tailler, te raser la barbe. Abadan. T'as pas le droit. Enfin, si un poil blanc il pousse sur ta barbe, il fait partie de ta barbe. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas toucher à sa barbe. Naam. Qala. Al-an, si ce poil blanc il est sur la tête, les cheveux de la tête. Qala faqad karihahu ahlul ilm. Wa qala an-nawawi wa law qila bit tahrim lin-nahy as-sarih as-sahih lam yab'ud. Naam. Cheikh Ibn Uthaymin il démontre anna kathir min al-ulama ils ont démontré que c'était détestable d'enlever les poils blancs que tu as sur la tête. Al-Imam an-Nawawi قال si on dit que c'est haram, c'est pas ba'id. C'est un qawl qui est très proche. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith clair fi hada. An Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال la tantifu shay fa innahu nur yawm al-qiyamah. من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وحظ عنه خطيئة ورفع له بها الدرجات. Al-Hadith Hassanahu Cheikh Al-Albani Rahmatullah Alayhi Fi Al-Sahiha. Et Cheikh Al-Albani il a cité beaucoup de hadiths fi hada et les a authentifiés Rahmatullah Alayhi. Annahu Al-Shayb Sa'anur Yawm Al-Qiyama, etc. Donc, Al-Nabi Sallam fi hada Al-Hadith قال لا تنتفو. Et ne touchez pas vos poils blancs. Tu l'arraches ou tu l'épiles ou tu le rases. Fala. Et ta'alamoun, taqaddam al-qa'ida ma'ana anna al-asl fi al-nahi c'est al-tahrim. Et on répète, nous, tout ça c'est minash shaitan, il n'y a aucune faïda. Wallahi, dès que tu commences à avoir des poils blancs, lui te précipiter, ba'd al-afkar, al-gharb al-an, annahum, ils veulent pas vieillir, annahum, anta, t'es un muslim, t'es un abd, tu commences à te poser plus de questions. Léna, t'auras des comptes à rendre. Ça a des étapes après la vie, le qabr, yom al-qiyama, thumma janna aw nar. Fahada. Hada, c'est ça. Al-anfa. فالحذر الحذر من التأثر بأفكار الغرب. قال شيخ ابن عثيمين le troisième قسم. Donc on a fini la partie les poils que Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam ils nous ont interdit de toucher. Et on a cité la barbe, les sourcils pour la femme, les poils blancs, etc. الآن dernière partie. قال شيخ ابن عثيمين ما سكت عنه الشرع. أي on a aucun délit qu'il faut raser ou qu'il faut laisser. Ma sakata anhu al-shara, falam ya'mur bi izalatihi wa lam yanha an izalatihi. Wa dhalika ka sha'r al-sadr. Naam, donc ce genre de poils, cette catégorie, Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète ils nous ont pas interdit de les toucher, de les enlever et ils nous ont pas ordonné de les laisser. Maskut an. Qala ka sha'r al-sadr. Comme les poils sur le torse de l'homme. قال وشعر الرقبة. On l'a vu. تقدم. Ça fait pas partie de la barbe. Les poils qui poussent sur le cou. On a dit يجوز. قال والذراعين. Les bras. Que ce soit homme ou femme. والساقين. Les jambes. والبطن. Le ventre. Etc. Tout ça, on n'a pas d'adil. On n'a pas de délil. Il faut laisser, c'est mieux. C'est une sunna. Là. Et on n'a pas de délil, c'est interdit. Comme les sourcils, comme la barbe, etc. فهذا قال شيخ ابن تيمين فهذا إن كثر فلا بأس ولا حرج فيه لأن في ذلك إزالة ما يشوه المنظر نعم أما سي هذا الشعر اللي بكثرة beaucoup de poils dans ces endroits شيخ ابن تيمين dit il y a aucun mal لأنه c'est أحسن يشوه المنظر فسي أفضل pour هذا الرجل أو pour هذه المرأة يرتاح أكثر ففي هذا الحال c'est مباح يجوز il fait aucun péché en les enlevant. Que ce soit le dos, le bras, les jambes, etc. قال وأما إذا لم يكثر فإن الأولى عدم التعرض له. أما si ces poils ils sont pas bikathara. Et تعلمون أن هذا ça va toucher beaucoup les femmes par rapport aux jambes, les bras, etc. قال لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه عبثا بل لابد فيه من فائدة. أما هذا شيخ ابن عثيمين démontre أن الأفضل c'est de ne pas le toucher. لأن الله سبحانه وتعالى il t'a créé hakada et Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim. Fahada al-sha'r il a une fa'ida fil haqiqa. Al-afdal c'est de ne pas le toucher. Khassatan ta'lamoun anna si tu le touches ton ma il faut souvent le retoucher. Et là ça repousse. Rubbama sur les jambes il est qalil ou sur les bras il est qalil khassatan pour les femmes. Fahada la yadhur. Amma le toucher, et Rabbama après, ça implique des choses, annahu il faut l'enlever souvent, et Rabbama yahsul ta'ab, ou shay min al-ta'ab. Qala Cheikh ibn Uthaymeen, wa qala ba'd al-ulama, inna izalatahu imma makruha wa imma muharrama, mustadillan bi qawlillahi azza wa jal an ash-shaytan, wa la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Ba'd al-ulama, ils se sont basés sur ce verset, et ils ont dit que c'était imma makruh, détestable. Ça n'atteint pas le niveau d'interdiction. Imma, c'est interdit. Aïe, la parole de Shaitan que Allah y rapporte à Azza wa Jal. Wala amurannahum falayughayyirunna khalq Allah. Aïe, ils changeront la création d'Allah. Qala Cheikh ibn Uthaymeen, walakin la yatabayyan li hadha al-hukm. Cheikh ibn Uthaymeen, il voit que ce hukm bil-hurma ou bil-karaha, qu'il n'est pas sahih. Qala, aïe, la yatabayyan lana izala. أن إزالته مكروه أو محرم بل إزالته من الأمور المباحة إسس الصحيح الصحيح سكس مباح لأنه on a aucun دليل على le fait de le délaisser ou le fait de le toucher ça reste dans l'amour المباحة قال تعالى إلا أن تركه أفضل خوفا من الوقوع فيما يأمر به الشيطان من تغيير خلق الله. نعم. فالأفضل إساس الخراسة أنه si ça gêne pas, s'il n'y a pas beaucoup, al-afdal, tu ne touches pas à ça. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قال والسكوت الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يدل على الإباحة. القاعدة هذه المعروفة عند أهل العلم. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط أي الإبط الإبطين وحلق العانة تسع لفي والله الحمد وأباح للرجال حلق الرأس. أما حلق الرأس pour المرأة محرم qu'elle se rase les cheveux. Hatta fil hajj. Hatta fil hajj, elle prend une partie, faqat, une petite partie de ses cheveux. قال ولعن النامصة والمتنمصة, celle qui s'épile les sourcils تقدم. وأمرنا بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وسكت عما سوى ذلك. Cheikh Ibn Baz, il te montre les poils qu'il faut toucher. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré. Les poils, c'est interdit de toucher. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré. Il reste ce genre de poils. سكت عنها صلى الله عليه وسلم فهذا قال شيخ تيمين وما سكت الله عنه ورسوله عفو لا يجوز تحريمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء سيس الشاهد الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء أي نزباجي فت ou ne faites pas. Sakata. Qala rahmatan bikum. C'est une rahma min Allah. Ghayra nisyan, c'est pas un oubli. Abadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'oublie pas. Wa huwa bikulli shay'in alim. Qala fala tabhathu anha. Cette chose, la tatakallaf fiha. La tatakallaf. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, ils nous ont pas ordonné ou interdit. Fal amr, il est wasi' wa lillahi alhamd. هذا الذي أردنا من هذا البحث المختصر وفي الحقيقة يحتاج إلى تفصيل أكثر في بعض المسائل لكن إن شاء الله ما ذكرنا فيه كفاية. On résume أن les poils de ton corps t'as trois catégories. Une catégorie t'es obligé de raser ou diminuer كحلق العانة les parties intimes, les poils sous les aisselles, les moustaches pour l'homme les diminuer. Kadhalik, l'enfant, le nouveau-né, l'aqiqa, il lui rase les cheveux. Et kadhalik, pour al-hajj, al-muhrim, il se rase, ah oui, il diminue ses cheveux, et la femme, elle coupe une mèche faqat. Il y a une partie, la deuxième, c'est interdit de toucher ses poils. Et on a vu deux exemples, ou plusieurs, laquelle on peut résumer. Pour la femme, les sourcils, c'est haram. Et pour l'homme, la barbe, c'est haram de toucher à ses poils. Et on a vu la troisième partie, des poils, on n'a aucun délit. Toucher ou ne pas toucher. Pas d'ordre, pas d'interdiction. فَهَذَا كَمَا قَالَ شَيْخ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَمِنَ الْمَسْكُوتِ عَنْ. Et نَحْنُ, on suit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et القاعدة أن المسكوت عَنْ, c'est عَفُو. Et celui qui fait, fala yunkar alayhi. Et celui qui fait pas, fala yunkar alayhi. Enfin, celui qui délaisse, la yunkar alayhi, aïe matalan, pour la femme, ses jambes, elle s'épile pas. Khasatan, s'il n'y a pas beaucoup et c'est pas une sourah qui n'est pas tayyiba, fala yunkar alayhi. Et celle qui s'épile, fala yunkar alayha. Hada huwa sahih, wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq lil jami' wa barakallahu fikum. Hayyakumullah. مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.